menace faite femme sur tous les continents de la terre. La distinction du cru et du cuit départage ces barbares des hommes qui, eux, mangent du pain, c'est-à-dire connaissent la culture du blé. Thank you.